titans qui sont arrivés. Et à un certain moment, un vent de sable a soufflé. Et nous, c'est-à-dire l'exemple qui l'a frappé, nous avons perdu la route. Et nous ne l'avons plus reconnue. Alors certains d'entre nous ont dit, la route est à droite. Et ils l'ont pris. Et alors ils se sont perdus et ils se sont égarés. Quant aux autres, quant à une autre partie, ils ont dit, la route est à gauche. Et ils l'ont pris et de la même façon, ils se sont perdus et égarés. Alors que d'autres, les plus raisonnables, on dit, nous étions sur la bonne route quand le vent a soufflé. Alors pourquoi ne pas rester sur la route jusqu'à ce que le vent se calme? Et le lendemain matin, quand ils se sont levés, ils ont vu que la route a réapparu et ils ont pu revenir, ils ont pu se guider vers le droit chemin. Il a dit, et cela, c'est la communauté, c'est la Jama'a que Dieu nous a ordonné de suivre. Cette histoire montre la gravité de l'acte de ceux qui émettent des avis sans science au sujet des choses politiques. Et ça montre qu'il est facile de perdre le droit chemin dans les questions politiques. Le dernier point relatif à la science et aux savants, c'est qu'il faut que tout musulman éloigne les mauvais doutes qu'il peut avoir vis-à-vis des savants. Ces mauvais doutes, en vérité, ils n'arrivent qu'à celui dont les actions commencent à devenir mauvaises. C'est pour ça que certains poètes ont dit « Il est fi'l al-mar'i sa'at dhununu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi wa 'ada muhibbihi bi qawli 'udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shakki mughlimi. » C'est-à-dire, si les actions d'un individu deviennent mauvaises, alors aussi ses doutes deviennent mauvais. Et tous ceux qui portent des mauvais doutes vis-à-vis des savants, en vérité, ils doivent réviser leurs actions, ils doivent réviser leur aqida. Parce que le mauvais doute vis-à-vis du savant, en vérité, à son origine, il y a le mauvais doute vis-à-vis de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah » et Al-Maqrizi, c'est qui est un grand savant, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Un des principaux maux de l'humanité, une des principales raisons de la déviation de l'humanité, c'est les mauvais doutes qu'elle a vis-à-vis de son Créateur. » Et Dieu, quand il nous a ordonné de prendre le ilm des savants, quand il nous a guidés vers qui on doit aller pour prendre la science, il n'a pas dit ça sans connaître, sans vouloir l'intérêt pour nous, mais il nous veut du bien. Donc le fait qu'on ait des mauvais doutes envers tous les savants, je ne dis pas envers un savant qui peut être pris pour un imposteur à une époque ou une autre, non, envers tous les savants, les grands savants, et qu'on ait confiance vis-à-vis des petits, ça ne peut être originaire que du mauvais doute envers Dieu. Et il suffit de prendre connaissance de certaines histoires pour donner des excuses, ou bien, je ne dis pas pour donner des excuses, pour bien savoir que les savants ne sont pas obligés de nous raconter tout ce qu'ils font, c'est par exemple leur relation avec les gouvernants. Ou bien, ils ne sont pas obligés de nous rendre compte de leurs actions. C'est pour ça que Imam Malik, rahimahullah, comme rapporte certains, قال كان مالك بن أنس يشهد الجنائز ويعود المرضى ويعطي الإخوان حقوقهم فترك واحدا واحدا حتى تركها كلها وكان يقول لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر. C'est-à-dire que Imam Malik participait aux funérailles des gens et visitait les malades, et il ne blasait aucun de ses frères, aucun droit de ses frères, et petit à petit il abandonnait action après action, jusqu'à ce qu'il ait tout abandonné. Et il disait, il n'appartient pas, il n'est pas obligé que l'individu présente toutes les excuses et qu'il en parle. Pourquoi ? Comme il est indiqué dans certains manuscrits de livres où est rapportée l'histoire, قال وإنما كان تخلف عن المسجد لأنه سلس البول لأنه سلس بوله فقال عند ذلك لا يجوز أن أجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة فيكون ذلك استخفافا. Nous avons vu la parole, nous avons vu la parole de l'imam Malik. Il dit, il n'est pas obligatoire à tout individu de donner un compte rendu aux gens des excuses qu'il a. Et nous pouvons prendre comme exemple ce que reproche la plupart de ceux qui insultent les savants ou bien qui les critiquent. Cet exemple, c'est ce qu'ils disent, pourquoi les savants ne donnent pas de conseils aux gouvernants. Les individus ont remarqué, à l'époque où on vit, les déviations de gouvernants, les déviations des gouvernants du droit chemin. Et on peut dire ici qu'ils auraient dû aussi constater, a priori, les déviations des gens, des individus auxquels ils peuvent accéder, contrairement à beaucoup de gouvernants. Ils ont dit alors, pourquoi les savants ne conseillent pas ces gouvernants ? Et nous avons vu le hadith qui interdit aux musulmans, aux savants, de donner des conseils devant tous les gens, aux gouvernants. Et on rappelle le hadith, « Man arada an yansaha li sultan, fala yajhar biha, wa liyakhud biyadihi, wa liyakhlu bihi, fa in qabilaha fadak, wa illa falaysa alayh. » Et comme j'ai dit, le hadith est authentique, rapporté par Ibn Abi Asim fi sunnah. On peut comparer ces paroles que disent ces gens-là aux savants avec la parole qu'ont dit certains gens à Oussama ibn Zayd, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les kharijites ont reproché à part, je dis bien à part, à Uthman ibn Affan, plusieurs choses. Alors certains gens sont venus à Oussama ibn Zayd. Ils lui ont dit, pourquoi ne conseilles-tu pas Uthman? Alors qu'a dit Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, je l'ai conseillé par Dieu. Je l'ai conseillé par Dieu. Et croyez-vous que lorsque je veux le conseiller, que je le fasse devant vous? Croyez-vous que je le fasse devant vous? Et je l'ai conseillé par Dieu. Il n'y avait entre moi et lui que Dieu. Mais je ne veux pas ouvrir la porte de malheur, de la fitna, de la divergence. Et ce affaire est le Bukhari ou Muslim, authentique. Et quand on compare l'action de Oussama ibn Zayd, on voit qu'elle s'applique exactement au hadith qui ordonne de ne pas donner le conseil devant tous les gens. Et on voit que Oussama ibn Zayd, il avait peur d'ouvrir la porte du malheur à cette nation en disant ولكن لا أريد فتح باب الفتنة. Et on peut se poser la question, quelle est la fitna qui aurait pu arriver à Oussama? Est-ce qu'il avait peur pour lui? Est-ce que la simple chose à craindre de parler de déviation des gouvernants devant les gens, est-ce que la seule crainte c'est que le gouvernant torture ou bien tue la personne elle-même, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça, en dessus de ça? Celui qui connaît bien la biographie de Uthman ibn Affan et son comportement, il sait que Uthman ibn Affan, il ne voulait léser personne. Et c'est pour ça que les kharijites ont pu le tuer. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient le protéger. Mais Uthman ibn Affan a refusé. Donc Oussama ibn Zayd, il n'avait pas peur. Il n'avait pas à avoir peur de Uthman ibn Affan. S'il l'avait conseillé devant tous les gens, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il ne lui aurait rien fait. Donc c'est quoi cette fitna dont il avait peur? C'est que soit rapporté qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé un gouvernant devant tous les gens, et que les gens prennent l'acte d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour annuler le hadith que nous avons cité. Et entre autres, il avait peur d'allumer encore le feu de la fitna que

d'entre vous vont constater des divergences énormes. Tout de suite après, il a dit « Fa'alaykum bi sunnati ». Il a dit « Alors comprenez-vous, alors suivez ma sunna ». Et le terme qu'il utilise après « Abdu ala bin Nawajid », on comprend « Comprenez-vous la sunna ». Comme dans le hadith que rawat Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris qu'il y allait avoir des divergences. Alors, du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Qu'allons-nous faire ?» Alors, il a agrippé le tapis avec force. Il a dit « Vous faites comme ça. » C'est-à-dire, agrippez-vous, comprenez-vous. « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdina min ba'di » Et suivez la voix de mes compagnons, radiyallahu anhum, عَبْتُ عَلَيْهَا بِالْمَوَاجِزِ C'est-à-dire, si vous voulez éviter les divergences totalement, alors il faut vous agripper parfaitement. C'est pour ça que le muscle chez l'homme, le plus fort, c'est le muscle de la mâchoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé ce terme-là gratuitement. Il veut que l'individu s'accroche à la sunna autant qu'il peut avec la force qu'il peut donner et de ne pas être avare envers lui-même et de n'utiliser qu'une petite force. Le mot l'Azhajou qal, fattakullahu mastata'atum. Craignez Dieu, suivez les commandements de Dieu autant que vous pouvez. Qal, fa'alaykum bi sunnati. Et ça, c'est le remède. Ça, c'est le remède. Et le médecin, il donne la façon de prendre le remède. Si c'est un médicament, peut-être qu'il dira avant le repas, après le repas. Il a donné la façon. Et la seule bonne façon d'utiliser ce remède pour échapper à ce mal, il a dit Abdu alayha bin nawajid. C'est-à-dire, mordez à pleines dents. Il a dit après Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. C'est-à-dire, attention, prenez garde aux innovations. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute innovation équivaut à un égarement de la voix. Et tout égarement de la voix amène vers l'enfer. Et quand on voit la description qu'il a donnée de l'innovation, on ne peut avoir nul doute au sujet de l'innovation, du bid'a, que le bid'a, il n'y a pas de bid'a bonne et bid'a mauvaise, comme certains chrétiens prétendent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kull bid'a » dans la langue arabe. « Kull » c'est un terme général qui englobe toutes les bid'a. Et c'est pour ça qu'Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Kull bid'a tin dalala wa in ra'aha nasu hasana » Rawah al-Dari wa ala sahih. C'est-à-dire toutes les bid'a sont un égarement équivalent à un égarement, même si les gens voient que c'est des bonnes bid'a, des innovations qui sont bonnes. Quant à le délit que ramènent ceux qui prétendent que dans les bid'a, il y a des bid'a qui sont bonnes, entre autres, la parole de Omar ibn Khattab, Ni'matul bid'a tu hadhi, quand il a rassemblé les gens pour la prière nocturne du Ramadan. Et les savants ont répondu à cette chouba, ils ont dit que Omar ibn Khattab n'a pas amené des choses nouvelles. Il a fait revivre une sunna qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ni'matul bid'a, ça tire une chose nouvelle par rapport à son époque, qui n'était pas à son époque. La même chose, il ramène pour preuve le hadith « Man sanna fi islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha » Ils disent que ce hadith-là est un délil qu'il y a des sunnas, des bid'a, hasana. En vérité, le hadith, comme on dit les savants, il parle de la sunna. Comment alors avez-vous compris que s'il parle de la bid'a, il parle de la sunna? Et quand on regarde, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles-là, « Man sanna fi islami sunnatan hasana », on comprend bien le véritable sens. Et ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé certains compagnons à donner l'aumône à certains pauvres et qu'il a vu que personne ne s'avançait. Alors Abu Bakr radiallahu anhu est allé chez lui et il a ramené ce qu'il pouvait donner et il l'a mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, à la vue de ce café, Abu Bakr radiallahu anhu, ils se sont précipités et ont ramené tout ce qu'ils pouvaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sanna fi l'islami sunnatan hasana, talahu ajruha wa ajru man amila biha » Et on constate alors que le sens véritable de ce hadith n'a rien à voir avec le sens que lui portent certains. Donc, il a montré que la cause de la dispersion, des divergences,